Toujours à la même occasion, les presses bangladaises ont fait les rédactions spéciales. Le journal de l'époque et la télévision ATN ont présenté que, grâce à la direction imminente du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, la Corée est transformée en pays socialiste axé sur les masses populaires et que le peuple coréen opère aujourd'hui les miracles et innovations dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction clairvoyante du maréchal Kim Jong-un. Le journal a exposé les photos de l'aéroport international de Pyongyang, de l'avenue des scientifiques Miri, des crèches et jardins d'enfants pour orphelins de Pyongyang, de la ferme coopérative maraîchère de Changchun, de l'arrondissement de Sadong, de la ville de Pyongyang, etc. Par ailleurs, toujours à la même occasion, l'Institut d'amitié culturelle péruvien coréen a inséré dans son page d'internet les écrits exaltant les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il accomplis pour la fondation et le développement de la Corée.